puisque l'on me traite comme un numéro de cirque. Je viens pas me donner en spectacle, le ciel est maussade, mon humeur aussi. L'électricité dans l'air devient palpable. J'évolue dans un labyrinthe tout comme Pac-Man. Je m'évertue à rester valeureux. Y'a qu'en enfer qu'on me réservera un accueil chaleureux. L'espoir se planque, je ne saurais pas dire où. Aucune chance que le paradis me déroule le tapis rouge. À courir après le temps, je crois bien qu'il m'a semé. Je crains de finir mes jours sur un coup d'inachevé. Sache que mon cœur compte un tas de balafres. Je me dois de consulter, j'ai des faces malades. Ma musique, j'ai vu les ombres, l'affre donner. La renommée n'aime pas ma sale ganache. On fera pas plus underground que nos disparus. Mes ambitions sont dans une voie de garage. Assujetti à des sommes corrompues, corrompues. Je déplore les rêves que mes lendemains n'auront plus. Insatisfait du rôle que l'on m'attribue, je relativise quand je pense à ce dormant sous un abri de bus. Je vois qu'une éclipse pour me faire de l'ombre. Aujourd'hui le jardin d'Éden est couvert de ronces. Réceptif face à tout ce que ma peine raconte. Me jeter pas de fleurs, ça me rappelle ma tombe. Ma misanthropie me rend sauvage. N'oublie pas que ton bling bling coûte à le bras d'un enfant soldat. Je suis pas dans le moule et fier de ne pas y être. Je chante l'amour saigné à blanc gisant sur la civière. Les comptes se règlent un jour ou l'autre. Tu te feras fumer un coin de rue si Némésis fait son boulot. Puisque ma vie n'est qu'un récit triste, que les soucis refont surface voyant les rides de ma génitrice. Trop de catins dans le périmètre. Combien de bâtards qui pour s'en sortir vendraient père et mère. J'immortalise mon tout ma race, déplorant les libertés que l'on nous arrache. Un jour la mort réclamera l'ultime dédicace et nombreux viendront pisser le long de mon épitaphe. Voilà encore un énième texte. J'ai autant d'estime pour ce monde qu'une pute en a pour elle-même. Assujetti à des sommes corrompues, corrompues. Je déplore les rêves que mes lendemains n'auront plus. Insatisfait du rôle que l'on m'attribue, je relativise quand je pense à ce dormant sous un abri de bus. Je vois qu'une éclipse pour me faire de l'ombre. Aujourd'hui le jardin d'Éden est couvert de ronces. Réceptif face à tout ce que ma peine raconte. Me jeter pas de fleurs, ça me rappelle ma tombe. Spectateurs d'une danse macabre, ils veulent tous faire du bruit, n'engendreront qu'un immense vacarme. Oui, c'est la suite que j'appréhende. Ma mère m'a donné la vie, la mort récoltera ma créance. Assujetti à des sommes corrompues, corrompues. Je déplore les rêves que mes lendemains n'auront plus. Insatisfait du rôle que l'on m'attribue, je relativise quand je pense à ce dormant sous un abri de bus. Je vois qu'une éclipse pour me faire de l'ombre. Aujourd'hui, le jardin d'Éden est couvert de ronces. Réceptif face à tout ce que ma peine raconte. Me jeter pas de fleurs, ça me rappelle ma tombe.